Vous avez des bandes dessinées ? Oui, j'en ai quelques-unes. Vous connaissez des chansons d'Aznavour ? Oui, j'en connais quelques-unes. Vous avez des disques de jazz ? Oui, j'en ai quelques-uns. Vous faites des exercices le soir ? Oui, j'en fais quelques-uns. Vous envoyez quelques cartes à vos amis ? Oui, j'en envoie quelques-unes. Vous connaissez des tableaux de Picasso ? Oui, j'en connais quelques-uns.